Voilà, c'était le groupe ZZ Top et leur titre Legs sur RGM. Il est presque 8h38, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 16 décembre. On va rester en musique puisqu'en 1946, c'était la naissance de Benny Andersson, chanteur-compositeur suédois du groupe ABBA. On va retourner quelques années en arrière et s'écouter un petit extrait du titre Mamma Mia. Voilà pour les boules à facettes, hein. ABBA, Mamma Mia. On continue les anniversaires. 1949, naissance de Billy Gibson, guitariste américain du groupe ZZ Top. 1956, naissance de Catherine Jacob, actrice française, vue dans la vie est un long fleuve tranquille dans le rôle de Marie-Thérèse, récompensée du César du meilleur jeune espoir féminin. Tati Daniel dans le rôle de Catherine Billard, Le bonheur est dans le pré, ou encore Joséphine Sarandi. 1961, naissance de Shane Blake, scénariste réalisateur américain, réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, scénariste de L'Arme Fatale, Predator, Kiss Kiss Bang Bang et Iron Man 3. 1962, naissance de Liane Folly, chanteuse, imitatrice, animatrice et également actrice française, vue au cinéma dans Chacun sa vie, à la télévision dans Navarro, RIS Police Scientifique ou encore Joséphine Ange Gardien. 1963, naissance de Benjamin Bratt, acteur américain, vu dans Demolition Man dans le rôle d'Alfredo Garcia, Miss Détective, la série télé New York Police Judiciaire dans le rôle de Ray Curtis, Private Practice dans le rôle du docteur Jake Reilly. 1967, naissance de Miranda Otto, actrice australienne, vue dans La Ligne Rouge dans le rôle de Marty Bell, Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi dans le rôle d'Ewin et aussi dans La Guerre des Mondes. 1970, naissance de Daniel Cosgrove, acteur américain, vu à la télévision dans Beverly Hills dans le rôle de Matt Dernning, Haine et Passion dans le rôle d'Arlan Billy Lewis, alias Bill, Des Jours et des Vies dans le rôle d'Eden Jenkins, Unforgettable ou encore Person of Interest. 1979, naissance de Florida, chanteur américain. 1984, naissance de Theo James, acteur britannique, vu dans Underworld Nouvelle Ère et Underworld Blood Wars dans le rôle de David et surtout connu pour son rôle de Tobias Eaton, alias 4 dans la trilogie Divergent. Et on termine les anniversaires en 1988 avec la naissance d'Anna Popplewell, actrice britannique connue pour son rôle de Suzanne Pevensie dans la trilogie du Monde de Narnia et vue dans la série télé Reign dans le rôle de Lady Lola. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Liane Folly et La vie ne m'apprend rien. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. crois que mon argent endort ma tête. Je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Il croit peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille? La vie des morts n'est plus sauvée par des médailles. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher. Prendre un chemin, prendre un chemin que je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. La vie ne m'apprend rien, Liane Folly, 8h45, passé de quelques secondes, on fait un point météo. La météo. Fini la pluie, retour aux accalmies aujourd'hui avec du soleil, avec tout de même un ciel voilé, des températures nettement supérieures aux normales de saison, puisque ce matin on a des températures comprises entre 9 et 10 degrés, pour cet après-midi entre 11 et 12 degrés. Mardi sera encore une journée ensoleillée avec toujours un ciel voilé, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 12 et 14 degrés prévus pour demain après-midi, et mercredi sera déjà le retour de la pluie. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football tout d'abord avec les résultats de la Ligue 1 et Metz qui a fait match nul à Marseille, face à Marseille. Un but partout, Lille s'est imposé 2-1 face à Montpellier. Amiens et Dijon ont fait match nul, un but partout. Angers et Monaco, match nul 0-0, tout comme entre Brest et Nice. Nantes s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Nîmes. Reims s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Toulouse. Strasbourg s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Bordeaux. Rennes s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Lyon. Et enfin, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 hier soir sur la pelouse de Saint-Étienne. Alors ce week-end, fallait pas être gourmand en but et fallait jouer à l'extérieur. En Ligue 2, Nancy s'est imposé 2-1 face à Châteauroux. En National 2, le match entre Épinal et Bobigny a été remis puisque Épinal a joué en Coupe Cambardella et Épinal s'est incliné 6-0 face à Lyon. En National 3, match nul de Raon-l'Étape face à Prix-lès-Mézières, un but par et Thaon-les-Vosges s'est incliné 2-0 face à l'équipe de Sa Réunion. Un mot de basket avec la Pro B, la défaite de Nancy face à Souffel-Weyersheim 67-69. En National 1, victoire du Jet Vosges face à Mulhouse 88-86. En cyclocross à Bagnoles de l'Orne, hier Steve Chenel a terminé 5e, il termine 2e du général, 1 point. En natation, championnat de France, titre de champion de France sur 50 mètres nage libre et 50 mètres papillon. l'occasion pour Florent Manoudou. On passe au sport d'hiver avec tout d'abord le hockey sur glace et la D2, large victoire d'Épinal, 10-1 face à Amnéville. En ski alpin, le slalom de Val d'Isère a été remporté par Alexis Pinturault et on termine avec du biathlon. Tout d'abord en IBU Cup, sur le sprint, Emilien Claude a terminé 30e et sur la Mastart qui était à 60, c'est une des premières fois que ça se fait, Emilien Claude a terminé 25e. En Coupe du Monde à Orfirzen, le sprint féminin a vu la victoire de Dorothea Wierer devant Tendrevold et Mironova. Anaïs Bescon avait signé une 10e place, Caroline Colombo 15e, Julia Simon 18e, Justine Brezaz 25e, Célia Aymonier 40e et Chloé Chevalier 51e. Le sprint messieurs a vu la victoire de Johannes Bö devant Simon Détieu et Loginov, Martin Fourcade 10e. Il perd ainsi le maillot jaune, le dossard jaune plutôt, maillot jaune c'est plutôt le vélo. 14e place pour Quentin Fillon-Maillet, 16e place pour Antonin Guigona, 18e place pour Emilien Jacquelin et 23e place pour Fabien Claude. La poursuite a vu la victoire de Thierry Lecoff devant Anna Heuberg et Tendrevold. 4e place pour Justine Brezaz, 6e place pour Anaïs Bescon, 10e place pour Célia Aymonier, 13e place pour Julia Simon, 4 françaises dans le top 15. Caroline Colombo a terminé 38e et Chloé Chevalier 46e. La poursuite, messieurs, a vu la victoire de Johannes Bö devant Louginov et devant Emilien Jacquelin, 3e avec un 20 sur 20 et qui signe ainsi son premier podium. 5e place pour Simon Détieu, 8e place pour notre Vosgien Fabien Claude, 9e place pour Quentin Fillon-Maillet, 10e place pour Martin Fourcade et 26e place pour Antonin Guigona. Le relais féminin a vu la victoire de la Norvège, la France s'est classée 7e et le relais messieurs hier a vu la victoire de la Norvège juste devant l'Allemagne. La France s'est classée 3e. Un relais composé d'Antonin Guigona, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et de Fabien Claude qui a pu ainsi connaître son premier podium. Prochaine étape de Coupe du Monde pour le biathlon, ce sera au Grand Bornand. Et oui, en France, ça va être une belle fête du biathlon et ce sera dès jeudi après-midi avec le sprint messieurs. Au programme de cette semaine, on aura donc un sprint, une poursuite et ce seront les premières Mastart. Personnellement, je suis contente, j'adore ce format de course et bien sûr, on en parlera d'ici là. Allez, c'est tout pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Florida, Good Feeling. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. What Godzip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you bought? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Up on Valley Boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles running from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day.